19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est une période peu connue, d'ailleurs certains ont même dit qu'elle n'existait pas. En tout cas, elle fut longtemps laissée en jachère. Il faut dire qu'elle ne couvre qu'environ 1000 ans, peut-être un peu plus, une goutte d'eau dans les centaines de milliers d'années de la préhistoire. La jupe bronze est pourtant le thème de recherche de quelques archéologues français, dont mes deux invités, qui viennent de publier 700 pages d'un gros volume fêtant 20 ans de recherche au sein d'une association, la PRAB. Pour autant, quelle perception avons-nous aujourd'hui de cet âge du bronze et quelles problématiques, quels enjeux doivent être envisagés ? Probablement les structures sociales qui tendent à une hiérarchisation de plus en plus croissante, les croyances et leurs représentations. Mais nous commencerons par un autre thème d'actualité autour de la mobilité des populations au cœur de l'Europe. Claude Mordant, Cyril Marcigny, bonsoir. Bonsoir. Professeur émérite de proto-histoire européenne à l'Université de Bourgogne, Claude Mordant, vous avez consacré votre carrière d'archéologue à ce sujet. Cyril Marcigny, vous êtes bien sûr directeur adjoint scientifique et technique à l'INRAP, mais puisque vous êtes normand et travaillez sur les relations avec les îles britanniques, j'imagine que vous avez lu l'article de Reich, ce généticien qui publie à tour de bras et qui vient de mettre en évidence les liens de l'Angleterre avec la France durant cette période. Oui, j'ai lu l'article de David Reich qui est sorti fin décembre dans Nature. Ça porte sur un nombre de sépultures assez restreint. On est sur 793 sépultures, je crois, de mémoire. Après, les résultats sont intéressants, sont des premiers résultats. Et ça montre que les Anglais, à partir de 1400 avant notre ère, ont des gènes français. Voilà, ce qui est pas si surprenant que ça quand on connaît bien l'âge du bronze moyen, parce que c'est l'âge du bronze moyen, puisqu'on a des styles céramiques qui sont très proches de ce qu'ils ont à cette époque-là. Donc en fait, on a tout apporté aux Anglais, comme d'habitude. Alors vous aviez déjà montré les liens donc entre la France et l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est la génétique. Mais cette génétique, elle a été faite dans quelle nécropole? Et est-ce que le site serait peut-être un petit peu particulier? Alors ça a été fait dans plusieurs nécropoles, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est celle de Clifton Farm. Parce qu'on n'est pas sur une nécropole, on est sur un site un peu particulier qui montre des violences interpersonnelles. Et donc là, on peut toucher du doigt quelque chose d'un peu, peut-être un peu différent. Enfin, ça reste des hypothèses. Mais pourquoi pas des vrais Français qui seraient arrivés en Angleterre, qui seraient morts sur place. Et donc là, les gènes sont français parce que ça serait des Français. La cause donc de cette bataille, puisque la guerre existe déjà. Claude Mordant, vous dites que les archéologues sont schizophrènes sur ce sujet de la paléogénétique et de l'âge du bronze. Pourquoi ? D'une certaine façon, Cyril vient de le dire, les sépultures que l'on retrouve ou les défunts que l'on retrouve sont souvent des défunts très particuliers. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas représentatifs d'une population biologique naturelle. Il y a toujours ces phénomènes de choix, de représentation sociale, le chef, la femme du chef, les descendants du chef, les relations entre chefs, ou au contraire, les réprouvés, les relégués. Et donc, d'une certaine manière, l'échantillon, on ne sait pas s'il s'agit d'une vraie population. Et quand Cyril dit que 780 personnes, c'est déjà un échantillon significatif, mais parfois on construit des hypothèses beaucoup plus hasardeuses sur un bien plus petit nombre de sujets. Or, s'il advient que nous nous déplaçons, Cyril l'a dit, si l'on meurt à un endroit, cela ne signifie pas une invasion, ça signifie une histoire personnelle, une aventure personnelle. Et grâce à la génétique, ça c'est vrai, nous retrouvons les aventures personnelles de nos ancêtres qui se sont déplacés à l'échelle de l'Europe. Et pendant des décennies, on a été très frileux, on a craint de déplacer les populations. Le siècle dernier a tellement été pourvoyeur d'horreur en ce qui concerne les invasions que les archéologues ne voulaient pas être pris en otage par ces théories qui ont été utilisées du temps de l'époque nazie en particulier. Cossina, bien sûr. Et on a donc été très, très frileux. On a pensé que les gens ne bougeaient plus. Or, le monde de l'âge du bronze suppose au contraire qu'on s'ouvre à ses voisins pour échanger, pour comprendre, pour voyager. Et donc, le mythe d'Ulysse, c'est un mythe de l'âge du bronze. Hein. Et donc, le voyage fait partie des choses. Et on en reparlera. Justement, sur la génétique, les archéologues disent souvent que les généticiens ne répondent absolument pas à leurs questions. C'est peut-être pour ça qu'il y a des problèmes. On pourrait même dire parfois qu'ils ne demandent pas la question aux archéologues. Et ils se contentent d'utiliser l'archéologue comme pourvoyeur de matériaux. Et évidemment que les archéologues culturels, comme on dit, ont mis en évidence des relations fortes entre la France continentale, enfin, entre le continent et les îles britanniques. Ça, c'est connu. Mais d'une certaine manière, parfois, on enferme l'archéologue dans une, comment dire, catégorie de spécialistes d'objets cassés, de peaux cassées, d'objets de bronze, et la typologie nous colle à la peau. Et là, quand on parle de génétique, tout de suite, ça devient plus sérieux et plus raisonnable. Mais d'une certaine manière, ces interrelations entre les groupes, on sait que ça existe depuis que l'archéologie s'intéresse à ces questions de l'histoire ancienne de population de l'Europe. Puisque nous évoquons ce récent article, paru donc bien sûr dans la revue Nature, celui-ci évoque à l'occasion de cette migration la diffusion des langues celtiques en Grande-Bretagne. Que peut-on dire réellement sur le sujet ? Rien, Cyril Marcelli ? Ouais, je serais d'avis de dire rien. Voilà, ça apporte pas d'éléments pertinents à mon sens. Enfin, je suis pas linguiste, mais à la lecture de l'article et pour le peu que je connais, ça me semble très éloigné d'un fait clair. Et on ne sait d'ailleurs pas quelle langue il parlait au cours de la Gironde. Non, pas du tout. Non. La génétique suscite bien sûr des réponses qui ont un fort impact dans les grands médias et bien sûr dans la population. Ils sont aussi l'objet d'enjeux bien sûr idéologiques. Olivier Kaiser en parle dans votre volume. Claude Mordant, voici un thème fort, souvent dangereux, car évoquer l'identité, c'est bien entendu nous approprier le passé, un vrai danger. C'est nous approprier le passé avec une stratégie de relecture contemporaine. Et donc, d'une certaine manière, on s'accapare nos ancêtres et on les utilise comme vecteurs d'expansion, de territorialité, de différence entre les groupes. Et effectivement, les archéologues, on a cité Cossina. Cossina était déjà très pro-nazi sans le savoir. Il est devenu un théoricien du nazisme, même s'il était décédé avant la prise de pouvoir d'Hitler. Et il a été beaucoup utilisé. Et d'une certaine manière, ce spectre de Cossina hante tous les proto-historiens, du moins les proto-historiens de ma génération. Et d'une certaine façon, on a ce retrait. Et à côté de cela, la génétique nous pousse à revenir sur cette idée d'une fixité des populations, ce qui n'est pas tenable dans un continent comme le nôtre en Europe. Donc il est vrai que là, on doit trouver un équilibre entre les histoires personnelles, les aventures personnelles et des mouvements de masse. Les mouvements de masse, on ne les voit pas. À part ça, s'approprier le passé, c'est bien sûr en France les Gaulois, on en a souvent parlé. C'est aussi aujourd'hui le néolithique qui est très à la mode, avec bien sûr cette théorie de l'anthropocène qui nous fait puiser entre relations entre climat et homme. Pourquoi l'âge du bronze n'a pas ce succès ? Le bronze, pourtant, est un matériau qui est un matériau qui est encore dans nos mémoires. Les statues de bronze, fixer un événement dans le bronze, tout cela sont des paroles qui concernent encore le politique. Mais ce qui est certain, c'est que le métal bronze, c'est un matériau nouveau. C'est une création humaine qui correspond à une invention d'un alliage entre un cuivre et un étain qui, à l'échelle en général de l'Europe, ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il a fallu une intelligence rare d'identification des matériaux, ça on sait que c'est fait depuis très longtemps, mais d'association des matériaux et ensuite de garder des recettes de ces alliages, puis ensuite, évidemment, en promouvoir la diffusion. Donc en cela, l'âge du bronze, c'est le début de l'aventure des métaux dans nos sociétés, c'est le début de l'aventure de l'industrie des métaux, et nous en sommes encore dans cette période. Cyril Marcini, on parlait de mobilité. J'ai lu que visiblement les populations de l'âge du bronze auraient été très stables sur leur territoire. C'est bien le cas ? Oui, il y a une stabilité des territoires. Après, pas des gens, mais des territoires. C'est-à-dire que les territoires sont durablement fondés, en tout cas autour du XVIIIe siècle, en 1700, par exemple, ces eaux-là. Et ces territoires-là semblent peu bouger, enfin, dans certains secteurs. Voilà, donc il y a une fixation des territoires, mais ça n'empêche que les gens doivent bouger et bougent beaucoup. On a la preuve un tout petit peu avec la génétique, mais on a la preuve aussi à partir des objets. Hein. Donc on sait que ça bouge. C'est ce que les collègues danois ont appelé la bronzification. C'est-à-dire que voilà, on va circuler à l'échelle de l'Europe. Il y aura une interconnexion à l'échelle de l'Europe. Et c'est vraiment une autre innovation de l'âge du bronze, cette interconnexion de l'Europe. Et cet âge du bronze, ça couvre à peu près quelle période? Je disais 1000 ans, c'est un peu plus. 1700. C'est beaucoup plus. C'est 1700 ans. Si on accepte l'idée que le campaniforme est de l'âge du bronze, ce qui est mon cas et ce qui est le cas d'autres, heureusement, donc on pourrait une commencer. Qui pose problème, tout dont à on fait. Parlera prochainement. Et on pourrait commencer autour de 2500 avant notre ère et on finit vers 800 avant notre ère. Une des grandes découvertes de cette année porte justement sur le territoire de l'âge du bronze. Je pense bien entendu à cette étonnante carte découverte en Bretagne, la dalle de Saint-Bélec, saluée comme une des 10 plus importantes découvertes archéologiques en 2021. Qu'en pensez-vous, Claude Mordant ? C'est vrai que c'est une représentation d'un territoire tel que nos collègues bretons les retrouvent maintenant et que cette matérialisation sur le support et ensuite l'intégration dans le monument, un monument prestigieux de cet élément de contrôle spatial, c'est une très belle image. Il reste une incertitude, et Cyril pourra y revenir, il reste une incertitude sur la datation, mais elle pourrait être plus ancienne. Et dans ce cas-là, ce sera encore plus remarquable, parce que ce serait une carte encore plus ancienne que celle-ci qu'on attribue à l'âge du bronze. Mais l'idée que l'on ait une représentation figurée, en quelque sorte, de l'espace, c'est effectivement une découverte de taille. Cyril Marcini ? Oui, c'est vrai, l'idée de figurer un territoire, c'est vraiment quelque chose de très bien. Après, comme dit Claude, la datation mérite encore d'être assurée. Les collègues Ivan Payet, Clément Nicolas vont retourner sur le terrain pour essayer d'affiner un peu la chronologie du monument et voir si on peut avoir quelques éléments. Pour l'instant, la dalle peut être néolithique ou âge du bronze, donc on sera encore beaucoup plus vieux si c'est néolithique. D'autant plus qu'on a des stèles qui présentent des figurations de paysages, hein, un peu comme celle de Kirkcaldy, par exemple. Donc voilà, il y a encore des questions qui sont en suspens. On aura les réponses d'ici peu. En tout cas, c'est un sujet qui s'ouvre. D'un seul coup, on s'aperçoit qu'il y aurait des cartes à cette époque-là. Et donc, j'imagine que les chercheurs, les archéologues vont commencer à regarder un peu tous les dessins, voir exactement de quoi il pourrait s'agir. En tout cas, que peut-on dire des territoires? Je sais que vous avez tenté de les cartographier, justement, Cyril Marcini. Alors, on a la chance en Normandie et aussi en Bretagne d'avoir des délimitations territoriales, soit sous la forme de parcellaires délimitées par des fossés, de profonds fossés. Donc, ça nous permet de raisonner un peu sur l'emprise territoriale ou sous la forme de gros remparts qu'on appelle des diques. Hein. Donc, voilà, on a tenté d'approcher les territoires. Ça reste une question éminemment complexe. Hein. D'abord, on ne peut pas fouiller des hectares et des hectares. C'est pas possible d'appréhender l'espace de façon très large, mais on commence à sentir un peu les choses, surtout quand on rajoute dans la réflexion l'emplacement des dépôts, par exemple, d'objets métalliques. Voilà, l'ensemble constitue des éléments d'un vocabulaire qui nous permettra de définir le territoire plus tard. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Ces territoires, ils faisaient à peu près quel espace? On peut imaginer des petits territoires gérés par des petits chefs? Oui, on est sur ce qu'on appelle une chefferie, donc on est sur des petits espaces. Hein. Faut pas imaginer des territoires très très vastes. J'ai pas de valeur comme ça en tête, mais peut-être 300, 400 hectares, guère plus. Hein. Et on a probablement à des époques des systèmes complexes de territoires. Voilà, je pense en particulier au début du Bronze Ancien 2, entre 2000 et 1700 avant notre ère, où là on sait qu'on a une société très complexe dans l'ouest de la France. Et il est probable qu'il y ait des chefferies de différentes tailles, des chefferies qui se superposent les unes sur les autres. En tout cas, vous me disiez lors d'une de nos récentes promenades que la presqu'île du Cotentin aurait été complètement fermée par un rempart. Oui, là, c'est un autre phénomène qui est bien plus récent, hein, qui date de la fin de l'âge du bronze, où on va fermer certains territoires par des très grands remparts. Donc en France, on n'en a pas beaucoup, on en a deux hein, qui existent encore, celui de la Hague et celui de Jumièges. Hein. Mais en Angleterre, il y a d'autres remparts de ce type-là qui sont connus, qui sont de la même époque. Voilà, c'est une période un peu troublée, on va avoir tendance à se renfermer. On va s'installer sur des sites de hauteur, mais on va même fermer le territoire dans certains secteurs. Claude Mordant, l'archéologie donne désormais une image très anthropisée de la campagne de l'âge du bronze en France. Oui, parce que Cyril l'a dit, les territoires sont relativement stables et les groupes humains se contrôlent les uns les autres dans leurs extensions. Donc effectivement, l'occupation d'un territoire unitaire, dirait-on, peut durer. Les archéologues pensaient statistiquement 25 ans, que tous les 25 ans, il était nécessaire un peu de déplacer l'exploitation rurale. On est parfois obligé de revenir sur cela et ça peut durer plusieurs générations, 2-3 générations. Mais il y a, comme ça a été dit, certes une mobilité relative, mais l'espace est complètement contrôlé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vide, ou du moins actuellement on a du mal à imaginer qu'il y ait des lieux sans revendication territoriale. Il nous faut bien entendu parler de bronze pour cet âge, et par là même d'un artisanat spécialisé, celui bien sûr des bronziers. Ne peut-on pas dire que nous voici surtout sur une période d'expérimentation, mieux de grande innovation? Je l'ai déjà dit un peu, ce qui est remarquable, c'est qu'au cours de ces siècles, l'homme maîtrise la conception de l'alliage, c'est-à-dire il fabrique un nouveau métal qui répond à ses besoins. Pour faire une épée, il faut un métal qui se fond bien, qui soit dur, donc il y a 10% ou 15% d'étain. Pour faire une parure qui est un peu compliquée, qui a besoin d'une fonderie de grande précision, on peut aller jusqu'à 30-40% d'étain. Donc il y a une recette, il y a un savoir-faire, il y a un art du feu absolument remarquable, et certaines productions de l'âge du bronze continue d'impressionner les bronziers d'art contemporains qui seraient incapables de faire aussi bien ou mieux que leurs ancêtres bronziers. Est-ce qu'on est déjà dans un cadre pré-industriel ? Oui, quand on pense aux milliers de haches qui ont été produites en Normandie, car il faut bien se rendre compte que ce que l'on retrouve, même si parfois les sommes sont phénoménales, représentées en dizaines de kilos, voire en tonnes, ce n'est rien par rapport à ce qui a été produit. Parce que pour produire une très belle épée, on ne peut pas le faire si on n'en a pas déjà produit 10, 15, 20, 30, 40 avant. Donc il y a une véritable compétence acquise, transmise et ensuite transférée à d'autres. Soit de façon pacifique, soit de manière... L'espionnage industriel devait probablement déjà exister. En tout cas, dans quel contexte le bronze est-il adopté ? S'agit-il d'ailleurs d'une innovation ou tout simplement d'un emprunt issu à d'autres communautés européennes, voire extra-européennes, dans la grande histoire de l'Europe ? Le bronze, on se rend compte maintenant que l'alliage bronze a été inventé très tôt en Europe occidentale. Peu avant qu'en Europe orientale. Donc, le soleil qui brille et l'invention qui ne vient que de l'Est, non. Et par contre, le déclic de l'association de ces deux métaux, c'est un mystère complet. Alors certes, il existe des minerais originaux qui associent du cuivre et de l'étain de façon naturelle, que peut-être quelques bricoleurs de génie a repéré en disant « Tiens, c'est curieux, ceux-là, ils vont mieux pour faire tel, pour le réduire que les autres. » Mais ensuite, entre un gisement de cuivre qui est au Pays de Galles et un gisement d'étain qui est du côté de la région de Nantes, il y a quand même quelques centaines de kilomètres et il faut avoir un certain talent pour se dire que peut-être qu'en associant les deux métaux, on va avoir un nouveau métal. Donc il y a toute une gymnastique, toute une richesse inventive phénoménale à cette époque pour construire le bronze. Cyril Massoni, on a tout dit bien sûr sur les élites. On y voit bien entendu de petits potentats, voire de petits princes. Ouais, c'était le terme qu'utilisait Jacques Brière. Dans les années 60, 70. Tout à fait, à l'époque où la dalle de Bellec a été publiée la première fois d'ailleurs. Mais faut oublier le terme petit prince, je pense, mais en tout cas, c'est assurément des big men qui sont à la tête de chefferies plus ou moins grosses. Hein. Donc, des gens qui avaient un certain pouvoir sur un territoire, et ils ont su, toujours à la même période, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, hein, autour de 2000 à 1700, le faire savoir aux générations futures en finissant enterré sous des gros tumulus avec des dépôts très importants de mobilier, aussi bien métallique que des objets en silex, comme de magnifiques pointes de flèche. Évoquons les croyances et commençons par ce qui est le plus connu, les étonnantes statues menhirs du sud de la France, de Corse aussi. Comment les archéologues interprètent-ils ces monuments, qui sont assez extraordinaires, il faut le dire ? Ils sont extraordinaires, mais ils sont très rares. Et ils ne sont que dans des domaines où la pierre est facilement trouvable. Alors, effectivement, en Corse en particulier, il y a eu cette hypothèse des Sardanes et de toute cette mythologie d'invasion et d'envahisseurs en Corse qui viendrait de la Méditerranée orientale. Mais une chose est certaine, il y a une représentation de du porteur d'épée, du guerrier. Donc l'image du guerrier est une image forte, qui est une image figurée, dans ce cas-là, sur la pierre. À l'échelle de l'Europe, cette image du guerrier, on se la représente de façon abstraite à partir des éléments qui ont été conservés, les casques, les cuirasses, les épées, les cnémides, les pointes de lance. Donc tout cet armement du guerrier, on le recompose, mais sur une personne un peu mythique, qu'on ne retrouve pas, même pas dans les tombes, on n'a jamais cet équipement total du guerrier tel qu'on imagine, ou tel qu'il est représenté parfois sur certaines statues, comme l'illustre Vercingétorix, qui est affublé d'une cuirasse de l'âge du bronze et d'une épée d'époque mérovingienne. On serait aussi dans une sorte de culte d'ancêtres héroïsés, ça peut marcher ? Oh, oui, une représentation mythique d'un personnage. Oui, oui, c'est aussi le culte, bien sûr, du guerrier en armes. L'âge du bronze est-il, avec toutes ses armes, plus violent que la période précédente, le néolithique, qui ne semble d'ailleurs pas être tendre et pacifique ? Oui, le néolithique, c'est pas tendre et pacifique, surtout à une époque particulière. On a surtout des traces de violence interpersonnelle qui datent du Rubané, à l'époque où le front justement de néolithisation avance en Europe. Vers le cinquième millénaire, vers le cinquième millénaire. On en a d'autres en remontant vers l'Angleterre, qui datent aussi du néolithique, comme par hasard, qu'on a encore sur un front pionnier. Pour l'âge du bronze, c'est un peu différent. On a peu de traces durant plusieurs centaines d'années, au début de l'âge du bronze. Et, une sorte de paix. Une sorte de paix, voilà. Mais au détour du XIIIe siècle, dans ces eaux-là, là, on commence à avoir et une production d'armement importante et des violences interpersonnelles qui sont visibles jusqu'à des champs de bataille comme celui de Tollense en Allemagne. Alors vous avez trouvé un champ de bataille, ou du moins des escarmouches, c'est bien ça ? Ouais, plutôt une sorte de escarmouche. Une sorte de guerre de fronde. C'est ça. Oui, sur un petit site en Vallée de Seine à Alizé, on a découvert un lieu où visiblement les gens se sont battus à coups de fronde. On a plus de 550 balles de fronde sur un horizon qui est bien daté, qui correspond pas du tout à ce que je viens de vous dire, parce qu'il est plutôt bronze ancien, même début bronze ancien. On est autour de moins 2000. Et donc ils se sont battus ou défendus à l'aide de balles en pierre, c'est ça ? Ouais, c'est des balles en pierre qui sont taillées dans la craie, qui sont de forme comme des petits ballons de rugby en fait, donc vraiment des choses très opérationnelles pour faire très mal. Et qui ont été lancés sur des hauteurs, en fait, vers un lieu de passage. Le sujet des dépôts, ces caches d'objets souvent en bronze, est bien sûr un sujet absolument majeur. Nous en avons récemment parlé, d'ailleurs, au travers d'une très belle découverte. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Des dépôts de bronziers, bien sûr, en vue de la refonte de ces objets, mais aussi des offrandes, voire des potlatches. Ce qui étonne dans ces dépôts de l'âge du bronze, c'est la manière dont ont été collectés les objets. Soit ce sont des objets entiers, très nombreux, et par exemple, au LH Normand, on a effectivement cette impression de surpuissance de la production et de dépôt, donc plutôt effectivement potlatch. Par contre, certains autres sont totalement cassés, concassés, et quand on recherche l'origine des différents débris, on a parfois du mal à les identifier. Ça suppose donc une certaine obstination, une obstination pour casser et une obstination pour rassembler. Et je ne crois pas au hasard. Voilà. Cyril Marcini, vous avez une autre théorie, puisque vous avez récemment trouvé plusieurs petits trésors de la sorte. Vous pensez plutôt à des bornages symboliques, c'est bien ça ? Oui, ça ne va pas à l'encontre de ce que dit Claude. Mais oui, dans certains lieux, en particulier dans le Val-de-Serre, où on a monté un petit programme avec plusieurs collègues, dont Henri Gandois, on a commencé à identifier toutes les zones qui ont livré des dépôts d'objets en bronze. Hein, et on a comme ça la vision d'un bornage, en fait, qui permettrait de délimiter justement le territoire. Ça renvoie à d'autres travaux qui ont été faits par des collègues en Europe et en France, en particulier ceux de Jean-François Piningre. Alors, il nous faut aussi, bien sûr, parler de ce fameux disque de Nebra. L'attribution à l'âge du bronze avait été très critiquée. On pensait désormais qu'il s'agissait d'un disque de l'âge du fer. En tout cas, il s'agit d'une découverte tout à fait exceptionnelle pour expliquer la mythologie de l'âge du bronze. Oui, c'est une découverte exceptionnelle que je pense être de l'âge du bronze. Hein. C'est une querelle entre chercheurs allemands qui était un peu vaine. Hein. Voilà, c'est un dépôt d'objets de l'âge du bronze, hein, parce qu'il n'y a pas que ce disque, il y a d'autres objets avec. Hein. Et ce disque, c'est une représentation de la voûte céleste. Ça renvoie à d'autres sites qu'on connaît qui sont des calendriers solaires. Hein. Je pense par exemple à Stonehenge. Hein. Donc voilà, tout ça appartient à un package de sites particuliers qui permettent de faire de l'apprentissage vers la population à propos de l'astronomie. Il y a aussi, bien sûr, ce fameux char solaire qui a été trouvé au Danemark. Hein. Tout à fait, Trodholm relève de la même... la même dynamique. Donc c'est un disque qui est traîné par un cheval, c'est ça ? C'est ça, c'est un disque solaire. Il fait soleil et il fait lune, puisqu'il y a un côté doré et un côté qui est resté brut. Hein. Et il est traîné par un cheval. Ça renvoie à l'iconographie qu'on connaît hein, dans les gravures rupestres, où on voit un cheval blanc en train de traîner le disque solaire. Hein. Il y a Christiansen qui a beaucoup travaillé sur la façon dont on pouvait traduire tout ça en termes de mythologie. Hein. Claude Mordant. En quelques mots, que peut-on dire des pratiques funéraires ? C'est un moment aussi extrêmement varié, avec des pratiques très variées. Oui, et en particulier à cette période dont on parlait tout à l'heure, du XIIIe, XIVe siècle, où là, effectivement, certaines personnes de la société sont incinérées, sont inhumées, peuvent être inhumées en deux temps, plusieurs temps, peut y avoir un monument, il peut ne pas y en avoir. Les monuments peuvent être regroupés en grandes nécropoles, au contraire, ils peuvent être très regroupés, mais sur un petit espace absolument pas monumentalisé. Donc effectivement, le mort est mis en scène. Le mort est mis en scène, et comme il a été dit aussi, dès le début de l'âge du bronze, le grand monument, le tumulus, le chef de lignage, c'est effectivement une manière importante pour marquer l'espace, pour approprier l'espace, dans cette idée que les descendants sont issus d'une lignée illustre dont on a encore les traces. Et puis vous avez d'un côté des inhumations, mais vous avez surtout des incinérations. Cela dépend des secteurs. Effectivement, le monde atlantique est un monde qui incinère beaucoup. Le monde plus continental inhume, puis ensuite incinère. Et on a cru beaucoup que les populations incinérantes avaient été des populations invasives et avaient conquis l'Europe en partant de la grande plaine hongroise pour descendre jusqu'en Catalogne. C'était dans ces grands moments d'expansionnisme et de migration et d'explication du progrès par les invasions. On était à des époques un peu tristes, me semble-t-il, et ces conceptions ne tiennent plus. Claude Mordant, Cyril Marcini, au cours de l'âge du bronze, l'Europe vivrait-elle une sorte d'accélération de l'histoire ? Une chose est certaine, c'est qu'à cette époque-là, l'Europe se crée au sens d'un espace d'échange, d'un espace de communauté de croyances, d'un espace de communauté de pratiques techniques. Les bronzes à l'échelle de l'Europe se ressemblent, même si d'une certaine manière les typologies les distinguent, mais il y a ces recettes, il y a ces représentations, il y a ces standards. Et donc, on est sûr que l'Europe, à cette époque, était une Europe ouverte, interconnectée. Puisque vous parlez de communauté de croyances, ne peut-on pas penser que nombre de mythologies et d'épopées que nous connaissons bien sûr, l'Iliade et l'Odyssée, puissent justement dans cet âge du bronze, Cyril Marcini ? Oui, l'Iliade et l'Odyssée, c'est un chant qui date de l'âge du bronze, de la fin de l'âge du bronze, écrit à l'âge du fer. Et donc voilà, ça montre bien toute la mobilité de la période. Hein. Christiansen et Larsson avaient déjà évoqué cette question, mais maintenant on a de plus en plus la preuve. Hein. C'est ce fameux monde européen interconnecté et avec ces gens qui voyagent à l'échelle de l'Europe. Claude Mordant, Cyril Marcini, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de votre énorme volume, Bronze, 20 ans, acte du colloque international anniversaire de l'APRA, Bayeux, donc publié sous votre direction. Carbone 14 était réalisé par Séverine Cassard, à la technique Élise Leu, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.